Elle fut même. On dort comment? C'est si les oreilles. Mais ça, t'as vu qu'il y avait une boutique de sneakers, toi ?